cose nous inonde. Les objets familiers disparaissent dans l'air. L'au-delà se découvre et le ciel grand ouvert. Écarte son rideau profond comme le monde. Lorsque la nuit s'éteint, la terre vagabonde. S'éveille minuscule en son tombeau couvert. Le jour laisse seul avec un ciel désert. Accroché au sommet de notre map monde. Oubliant au matin l'espace évanoui. Ce domaine obscur où brillait l'infini. Nous vivons à l'étroit dans une chambre immense. Nous sommes seuls le jour et multiples la nuit. Dans le jour étréci, nous faisons notre bruit. Face à l'infinité, nous dormons en silence.